Ma plume schizophrène, elle décrit ma peine et mes joies. Des fois j'ai l'impression qu'elle me connaît plus que moi. Le rap amateur est un sketch. Petit respecte-moi, surtout quand t'as le cul entre deux sgegs. Trop veulent tirer profit, histoire de notoriété. Idiot, le rap c'est qu'une partie de l'ego. J'pète au nez des hippies, j'fais pas de J-pop. J'fais du rap en gros, j'passe mon temps à faire rimer ma life. Fou, le bordel ambiance les gens avec des tas de phrases et décapite les prods sans état d'âme. Fais, toi qui fais dans un premier temps. Et tant que tu bouges la tête, c'est que mon pote est vivant, non. Faut que les avis. Je suis un artiste droit, même si des fois je suis bancal comme la tour de bise. Brise tous les tabous de cette société. Fais la bise à tes frères et montre-leur que t'es affûté. Reste à l'affût mec, ralentis la fumette. Besoin d'un fusil à lunettes pour faire des plans sur la comète. Je suis en feu, je pense au délit que je commets. Qui voudra m'éteindre se fera très vite décapité. Déboussolé à l'idée de démontrer que vous êtes sans personnalité comme un sosie de Johnny Hallyday. Arrêtez de réclamer des fessées. La plupart de mes textes je les écris dans les WC. Autour de moi plein de blessés qu'ils écrivent avec leur sang. C'est LPK qui m'a baisé. Faut que je m'apaise. Je vous sors les nerfs. L'énergie que je dégage est semblable à du tonnerre. Le ton est donné cette année, ça va pas rire. Fais pas l'étonner, faut que tu redoutes le pire. Comme dirait Ross, c'est dur de rester pisse devant un humain très riche et qui en plus a tous les vices.